Chapitre 10. La question. Le silence qui régnait dans l'ascenseur était le plus inconfortable qu'Ophélie avait jamais vécu. Les métaux grinçaient, les meubles craquaient, les flûtes de champagne s'entrechoquaient, le phonographe vocalisait et le groom se raclait la gorge. Repliée derrière ses deux tours d'écharpe, Ophélie contempla douloureusement Renard. Les bras le long du corps, dans une posture presque militaire, il se tenait entre le buffet de dégustation et le guéridon du tourne-disque, à croire qu'il était lui-même un meuble d'ascenseur. Ses cheveux lavés et peignés avaient recouvré un peu de leur flamboyance et sa barbe avait disparu au profit d'une mâchoire puissante. Ses yeux verts, enfin accoutumés à la lumière, regardaient droit devant lui et nulle part à la fois. Sa colonne vertébrale s'était redressée comme une barre de fer et, si son corps amaigri flottait dans l'uniforme de fonction, il avait conservé sa charpente d'armoire à glace. La métamorphose qui s'était opérée sur la journée avait quelque chose de spectaculaire. Ophélie ne comprenait pas pourquoi cet homme qui ressemblait enfin à Renard restait un étranger pour elle. « Stop !» ordonna soudain la tante Roseline. Obéissant à l'autorité animiste, le frein à main de l'ascenseur s'abaissa sous le regard éberlué du groom. La cabine s'immobilisa dans une cacophonie de bois, de verre et de métal. « N'y touchez pas !» dit la tante Roseline au groom qui empoignait le frein pour le débloquer. « Cet ascenseur ne repartira pas, tant que je ne l'aurai pas décidé !» Elle fit grincer sa denture chevaline, tandis qu'elle considérait tour à tour Renard et Ophélie comme deux enfants coupables. « Nom d'un pot à moutarde ! Ce n'est ni possible ! Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre ! Je ne comprends rien à vos petites histoires, mais je sais une chose. Quand cette porte se sera ouverte, dit-elle en pointant du doigt la grille dorée de l'ascenseur, « nous devrons tous avoir la tête haute. Gamine, tu viens de te faire une effroyable réputation. On ne traverse pas les miroirs d'un libertin, et ce, au détriment de toutes ses autres invitations, sans en subir les conséquences. Bérénilde est furieuse contre toi, et pour une fois, je ne lui donne pas tort. Je te soutiendrai, quoi qu'il arrive, » ajouta-t-elle d'un ton moins brutal en voyant les lunettes d'Ophélie bleuir. « Mais au moins, de grâce, va jusqu'au bout de ce que tu entreprends !» Renard, qui avait perdu un instant sa contenance professionnelle, se remit vite au garde-à-vous. « Si je suis un embarras pour ces dames, qu'elles ne s'encombrent pas de moi, je ne veux pas. Ça suffit !» le coupa Ophélie. Ce fut en entendant le son étranglé de sa voix qu'elle réalisa à quel point l'attitude de Renard la mettait au supplice. « Je n'ai que faire d'un valet. En revanche, » enchaîna-t-elle comme Renard desserrait ses grandes mâchoires, « je propose de vous employer comme assistant. Vous serez logé, nourri et rémunéré en échange de vos opinions et de vos conseils. » Ophélie s'écoutait parler avec un sentiment d'irréalité. Elle avait tout dit, sauf l'essentiel. Pourquoi les seules paroles qui comptaient refusaient-elles de sortir ? À quoi bon être capable de s'adresser chaque soir à un public de nobles vénéneux si elle ne parvenait même pas à parler sincèrement à un ami ?« Je suis navrée, mademoiselle, » répondit Renard. « Je ne suis qu'un valet. Je n'ai pas d'opinion à avoir ni de conseils à donner. » Ophélie avait l'impression que chaque mot qu'il prononçait lui tombait dans l'estomac comme un charbon incandescent. Il y avait des moments où elle aurait voulu être capable d'extérioriser ses émotions avec la même facilité que ses sœurs. « Prenez au moins le temps de réfléchir à ma proposition. Je dois me rendre sans tarder au théâtre optique, » dit-elle avec un coup d'œil pour l'horloge d'ascenseur. « Accompagnez-moi à titre d'essai. Nous en reparlerons après mes comptes. » « Bien, mademoiselle. » Il y avait dans ces deux mots polis une telle inflexibilité qu'Ophélie sut que Renard avait déjà fait son choix. Il ne voulait pas de cette main qu'elle lui tendait. Elle aurait voulu empêcher le frein de se débloquer, l'ascenseur de reprendre son élévation et la grille de s'ouvrir. Si Ophélie en avait eu le pouvoir, elle aurait arrêté le temps, puis elle l'aurait retourné comme un gant. Redevenir une petite personne sans responsabilité, se réfugier derrière le comptoir de son musée, avoir pour seule compagnie la société des objets, au fond, elle n'était peut-être bonne qu'à ça. « Nous ne sommes pas en avance, » déclara la tante Roseline en voyant l'escalier désert du théâtre. Bérénilde doit être déjà installée à sa place. Je vais essayer de me trouver un fauteuil libre. Quant à toi, dit-elle en époussetant l'écharpe d'Ophélie, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Il sera toujours temps de s'inquiéter plus tard. Suivez-moi, dit Ophélie à Renard. J'ai mes entrées à l'arrière. Tandis qu'il contournait le théâtre, Ophélie n'eut pas une seule pensée pour la scène qui l'attendait de l'autre côté des murs de marbre blanc. Elle mettait chaque pas à profit pour chercher les mots qui pourraient lui rendre Renard. Elle perdit le fil dès qu'elle aperçut le chevalier sur un banc, dans l'ombre d'un palmier, juste à côté de l'entrée des artistes. Il était en train de jouer avec un bilboquet et, malgré toute l'application qu'il y mettait, il ne réussissait pas à enfiler la boule. Ses chiens géants se tenaient couchés à ses pieds, la langue pendant hors de leur gueule, indisposés par l'illusion climatique qui ne convenait pas à leur race. « Je vous attendais, » déclara-t-il en apercevant Ophélie. Dans la bouche d'un enfant pareil, ces trois mots valaient toutes les menaces de mort. « Je ne peux pas vous parler, » dit-elle en se dirigeant résolument vers l'entrée des artistes. « Vous allez me mettre en retard. » Les deux chiens lui coupèrent la route. Ils s'étaient déplacés en silence, sans manifester le moindre signe d'agressivité, mais ils faisaient tout de même chacun la taille d'un taureau. Renard lui-même, qui ne connaissait pas le chevalier comme Ophélie le connaissait, marqua une hésitation inquiète. Le chevalier remonta ses épaisses lunettes rondes sur son nez. Elles étaient en tout point semblables à la paire que Bérénilde avait cassée lorsqu'elle l'avait projetée à travers le couloir. « J'avais juste une toute petite question à vous poser, mademoiselle Ophélie. Répondez-moi et je vous laisse tranquillement aller à votre travail. » Il donna une impulsion à la boule de son bilboquet et, une fois encore, manqua son coup. « Pouvez-vous me dire la différence, essentielle, qui existe entre vous et moi ?» Ophélie savait déjà que cette conversation n'annonçait rien de bon. Son écharpe, qui somnolait jusqu'à présent sur ses épaules, commença à s'agiter. « Non !» fit le chevalier d'un air déconfit. « C'était une devinette pourtant facile. La différence entre nous, dit-il alors avec le plus grand sérieux, c'est que Madame Bérénilde vous aime bien. Ce n'est pas un compliment que je vous fais. Vous n'occupez dans le cœur de Madame Bérénilde qu'une toute petite place. Vous comprenez? Elle vous aime bien, et puis voilà. Madame Bérénilde et moi, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes unis par un lien plus fort que l'amour et la haine. » Il y avait un tel sens de l'absolu dans ces paroles qu'il était difficile de croire qu'elles émanaient d'un petit garçon. « C'est pour elle que je suis devenu chevalier, pour elle seule. Je l'ai aimée plus que ma propre maman. Je l'ai couverte de cadeaux. Je l'ai même débarrassée de sa famille. » Ophélie se sentit glacée d'horreur. C'était la première fois que le chevalier mentionnait explicitement sa responsabilité dans le massacre des dragons. « Si c'était bien fou !» murmura-t-elle. Une partie d'elle avait toujours refusé de croire cet enfant coupable de tels crimes. « Ils étaient horribles !» rétorqua le chevalier en haussant les épaules. « Ils la détestaient tous parce qu'elle avait de meilleures manières qu'eux. Ils ne voulaient pas qu'elle sorte vivante de cette chasse. » « Je devais la protéger, » dit-il en ratant un nouveau coup de bilboquet. « C'est mon rôle de chevalier. J'ai pris toutes les précautions pour que sa sensibilité ne soit pas heurtée. » crut-il bon de préciser. « J'ai fait le nécessaire pour qu'elle n'assiste pas à la mise à mort. » Ophélie se le rappelait, oui. Il s'était arrangé pour lancer tous les gendarmes du clair de lune à ses trousses, et il avait plongé la tante Roseline dans un état d'hypnose presque fatal. Même si Bérénilde l'avait voulu, elle n'aurait pas pu participer à la chasse dans ces conditions. « Il y avait des enfants, » murmura Ophélie, « des enfants de votre âge. » Elle était tombée une fois sur une photographie dans le Nibelungen où l'on voyait les cadavres atrocement mutilés des chasseurs à moitié dégagés de la neige. Elle avait reconnu l'un des triplets de Freyja. Il lui arrivait encore d'en faire des cauchemars. « C'était tous des chasseurs. » dit le chevalier en secouant ses bouclettes blondes. Les chasseurs risquent leur vie chaque fois qu'ils affrontent des bêtes. S'ils avaient été plus aimables avec Madame Bérénilde, je ne m'en serais pas mêlée. Je devais la protéger. Vous n'avez pas idée du mal que vous lui avez fait. Le coupa impulsivement Ophélie. Et du mal que vous continuez de lui faire. Très choqué, le chevalier tordit ses fins sourcils et ses huskies retroussèrent aussitôt leurs babines, révélant d'impressionnantes rangées de crocs. Réalisant son imprudence, Ophélie allait proposer à Renard de déguerpir, mais elle s'aperçut soudain qu'il n'était déjà plus là. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était parti comme ça, sans un mot. « Comment osez-vous me dire à moi que je fais du mal à Madame Bérénilde ?» murmura le chevalier. « Ou alors vous ne savez pas ce que faire du mal signifie ? Vous voulez que je vous l'enseigne, mademoiselle ?» Il avait prononcé cette dernière phrase avec une extrême lenteur, tandis que ses yeux, grossis par les verres de ses lunettes, pénétraient Ophélie jusqu'au fond de l'âme. Avec une sensation nauséeuse de déjà vécu, elle sut qu'elle devait cesser de regarder cet enfant en face. Elle n'en gardait aucun souvenir, mais elle eut soudain la conviction qu'il l'avait déjà piégé une fois de cette façon par le passé. Le soleil s'éteignit, le décor exotique disparut, et Ophélie se sentit tomber dans la plus noire et la plus glaciale des nuits. « Mademoiselle la Visconteuse, tout le monde vous attend !» s'exclama une voix enjouée. Le chevalier sursauta, les chiens dressèrent les oreilles, et l'illusion dans laquelle s'enfonçait Ophélie vola en éclats. Elle se sentit aussi étourdie que si on l'avait empêchée de tomber dans un puits au dernier moment. À sa grande surprise, c'était le baron Melchior qui venait à leur rencontre de sa démarche distinguée. Sa redingote, adaptée aux proportions volumineuses de son corps, était entièrement tissée dans une illusion de voie lactée. Des étoiles filantes traversaient même son chapeau claque sous forme de traînées lumineuses. Il n'était pas le ministre des élégances pour rien. Ses moustaches blondes semblaient ponctuer sa figure ronde de deux points d'exclamation. « Bonjour, oncle Melchior, » dit le chevalier avec une politesse d'enfant modèle. « Mon cher neveu, vous n'avez pas la permission de promener vos chiens ici ?» répondit le baron. « Et puis, avez-vous vu l'heure ?» Vous devriez vite rentrer chez votre oncle Harold et vous mettre au lit. » Sous la poussée d'un sourire, ses moustaches s'étaient soulevées telles des baguettes de prestidigitateur. « Veuillez me pardonner, oncle Melchior. Vous avez raison. Au revoir, mademoiselle Ophélie, » dit le chevalier. « Nous nous reverrons très bientôt. » Cette promesse murmurée avec un signe de la main et un sourire en coin donna à Ophélie l'impression que son estomac s'était transformé en plomb. Dès que le chevalier et ses chiens se furent éloignés, avalés par les ombres rayées des palmiers, le baron Melchior poussa un soupir de soulagement. « Cet enfant est de plus en plus incontrôlable. Heureusement que votre valet est venu me chercher. » En voyant que Renard se tenait derrière le baron, droit et impassible comme n'importe quel domestique, Ophélie se sentit morte de honte. L'espace d'un instant, elle avait cru qu'il l'avait abandonnée. « Mon neveu nous cause à tous bien du souci, » déplora le baron Melchior en lissant ses moustaches. « Et que faites-vous pour que ça change ?» En temps normal, jamais Ophélie ne se serait risquée à s'adresser à un mirage sur ce ton. Elle aurait dû éprouver de la reconnaissance pour celui-ci, mais ses nerfs continuaient de lui envoyer des impulsions défensives à travers tout le corps. Elle n'oubliait pas non plus que le baron Melchior était le frère de Cunégonde, et Cunégonde n'avait rien d'une amie. Nullement offensé, le baron Melchior jeta des coups d'œil prudents aux alentours du théâtre, comme s'il craignait de voir le chevalier revenir à la charge. « Excellente question. Stanislas a lâché un de ses chiens sur ma petite nièce parce qu'elle avait eu un mot malheureux pour notre chère Bérénilde. 14 ans. Mademoiselle la Visconteuse, et jamais plus cet enfant ne marchera normalement. Tout ce sang, toute cette violence, » dit-il avec une grimace de dégoût. « À cause d'un seul mot. » « Stanislav, » répéta pensivement Ophélie. « Je ne connaissais pas le vrai nom du chevalier. Vous saviez que c'était lui, l'assassin des dragons ? » Elle s'était tellement attendue à ce que le baron Melchior fît l'indigné ou l'ignorant qu'elle s'étonna de le voir acquiescer. Il décocha un nouveau regard par-dessus son épaule, s'assurant qu'il n'était pas écouté, puis murmura. « J'avais des soupçons. Nous en avions tous. Voyez-vous, il y a extrêmement peu de mirages qui savent utiliser leur pouvoir sur des animaux. Stanislav a perdu ses parents dans des circonstances quelque peu particulières. Il est sous la tutelle de mon cousin Harold, son oncle. Mais je soupçonne celui-ci de lui avoir transmis un savoir répugnant et dangereux. Harold n'est pas un criminel, » précisa aussitôt le baron Melchior. « Jamais il n'aurait demandé à Stanislav d'agir de façon aussi inconsidérée. Mais il est possible, il est même probable, qu'il ait involontairement créé l'événement. Il est très regrettable que le nom des mirages soit associé à cette navrante affaire. « Vous avez à ce point peur de lui ?» demanda Ophélie d'un ton provocateur. Le baron Melchior ne cessait de tournoyer sur lui-même, comme une énorme toupie a toujours vérifié que personne n'approchait. Son embonpoint était tel qu'Ophélie le soupçonnait de ne pas observer les mesures de rationnement imposées par l'intendance depuis la pénurie de viande. Comme chaque ministre digne de ce nom, le baron passait beaucoup de temps à la salle du haut conseil familial au premier étage de la tour. Il y régnait, disait-on, un banquet perpétuel où tous les prétextes étaient bons pour boire et pour manger. « C'est un tantinet plus compliqué que cela. Jamais un mirage ne dénoncera publiquement un autre mirage. En revanche, » ajouta le baron Melchior avec un sourire en coulisses, « un mirage peut donner un petit coup de pouce au destin. » « Le destin ?» Autrement appelé Monsieur Thorne. J'ai cru comprendre que Monsieur notre intendant procédait au recensement des bêtes domestiques. Si j'étais lui, j'irais fureter du côté de chez Harold. Je ne vous ai évidemment rien dit, n'est-ce pas? D'accord, dit Ophélie, qui n'était pas certaine de tout bien saisir. Je dois vraiment y aller, à présent. Juste un petit instant. Le baron Melchior s'approcha d'elle et fit jouer ses gros doigts bagués devant son nez, comme s'il voulait lui jeter un sort. Un peu perplexe, Ophélie se demanda quelle épingle le piquait, puis elle s'aperçut qu'il était en train de faire naître des embryons d'illusions dans le tissu même de sa robe. Les formes éthérées gagnèrent en précision, en couleur, en mouvement, et bientôt, des papillons bidimensionnels voltèrent le long du corps d'Ophélie, comme des motifs qui se seraient éveillés à la vie. C'était la première fois qu'elle assistait à l'éclosion d'une illusion. Le baron n'avait pas volé sa réputation de grand couturier. « Officiellement, je suis venu uniquement pour vous remettre ce cadeau. Un modeste présent du ministre des Élégances à Mademoiselle la Viscomteuse. Nous n'avons eu aucun autre sujet de conversation, n'est-il pas ?» Sur ces mots, adressés autant à Ophélie qu'à Renard, le baron Melchior s'en fut avec un coup de chapeau poli. « Mademoiselle la Viscomteuse est enfin arrivée !» soupira le majordome quand Ophélie eut actionné la sonnette de l'entrée des artistes. « Nous commencions à nous inquiéter de son absence. Monsieur le conteur a commencé sa prestation. »« Où en est-il ? » ?»« Le voyageur borgne a déjà changé le destin des deux premiers héros, Mademoiselle la Viscomteuse. Il s'apprête à rencontrer le troisième. » Voilà qui laissait encore un peu de temps à Ophélie. Le vieil Éric racontait toujours la même épopée, soir après soir. À force de l'entendre, elle savait quand se tenir prête. « Je suis navré, » dit le majordome avec un regard vague pour Renard. « Cette entrée est interdite au public. »« C'est mon assistant, » rétorqua Ophélie d'un ton catégorique. « J'ai impérativement besoin de lui. Il restera dans les coulisses. Ne me mettez pas en retard, s'il vous plaît. » ajouta-t-elle comme le majordome semblait réfléchir à la question. « Que mademoiselle la vicomteuse veuille bien me pardonner, » dit-il en s'effaçant pour les laisser entrer. Faisant signe à Renard de la suivre, Ophélie s'enfonça dans la pénombre familière des coulisses. Même si elle avait appris à bien connaître les lieux, cela ne l'empêchait pas de se cogner aux échelles, aux chaises et aux éléments de décor qui semaient le passage d'embûches. La voix rocailleuse du vieil Éric et la musique funèbre de l'accordéon, étouffée par l'épaisseur des rideaux noirs, rendait l'obscurité plus obscure encore. Ce soir pourtant, c'était le silence de Renard qui semblait se répercuter contre chaque surface. Ophélie s'appuya contre un meuble et attendit que les secousses nerveuses qui agitaient son corps se fussent calmées. Ses jambes, changées en gélatine, ne la portaient plus. « Mademoiselle ?» demanda la voix de Renard qui avait failli la percuter. « Donnez-moi un instant, » murmura Ophélie. « C'est cet enfant. Il me terrifie. Je vous remercie d'être allé chercher de l'aide. » Elle prit une profonde inspiration. « Vous auriez préféré rester au clair de lune, n'est-ce pas ?» Elle se retourna lentement vers la silhouette massive de Renard qui faisait grincer le plancher. Il n'était plus que des ombres parmi les ombres, des présences sans visage, des voix dépourvues de bouche. Ophélie comprit qu'ici, dans cette dissolution des formes, il lui serait peut-être possible de parler enfin. Elle tira sur l'écharpe pour dégager son visage et libérer ses mots. « Je sais que vous vous y sentiez chez vous, » murmura-t-elle au condensé de noir qui lui faisait face. « Vous vous entendiez bien avec tout le monde. Vous connaissiez chaque recoin comme votre poche. Vous saviez comment et quand tirer vos épingles du jeu. Et puis, il y a Gaël, » balbutia Ophélie d'une voix plus basse encore. « Vous l'avez toujours apprécié. C'est elle qui m'a prévenue, vous savez. Et moi, Reynold, je me suis octroyé le droit de vous arracher de cet endroit. » Quelque part devant elle, Renard n'était plus qu'une respiration tendue. « Vous êtes libre ?» souffla Ophélie. « Libre de partir, libre de rester. Je ne vous ferai pas quitter une cage pour une autre, d'autant que, vous l'avez vu, je ne mène vraiment pas une vie de tout repos. J'ai décidé de votre sort sans prendre le temps de réfléchir ni de vous parler. J'ai été égoïste, et je le suis encore. » fut-elle obligée d'admettre après quelques secondes de réflexion. Je le suis encore, car tout au fond de moi, je voudrais que vous choisissiez de rester à mes côtés. Je sais que m'excuser ne changera plus rien, mais voilà. Excusez-moi. Non, mademoiselle. Renard avait murmuré une réponse à peine audible, mais Ophélie n'aurait pas été plus secouée s'il l'avait hurlé à tue-tête. Non, mademoiselle, répéta-t-il d'un ton rude. Même pour tous les sabliers du monde. Je n'aurais pas voulu rester au clair de lune. » Il y eut un mouvement d'ombre quand Renard s'appuya sur ce qui devait être une échelle. Le haut de son crâne rencontra un petit rayon de lumière qui s'échappait entre deux rideaux de théâtre. Quelques cheveux roux s'illuminèrent comme s'ils avaient pris feu. « Mademoiselle a l'air de me croire fâchée. Ne peut-elle donc pas comprendre que je suis juste très embarrassée ?»« Embarrassée ?» Ophélie s'était attendue à tout sauf à cela. Elle contempla le profil de Renard, auréolé par la faible lumière. Il frottait nerveusement sa crinière de lion, se croyant invisible dans l'obscurité des coulisses. « D'après ce qui s'est passé, je ne pourrai jamais me sentir à l'aise ni en la présence de mademoiselle, ni en celle de monsieur, son fiancé. Mademoiselle prétend faire de moi son assistant. Elle veut bénéficier de mes opinions et de mes conseils. Si j'avais un peu de décence... Je ne devrais même pas la regarder. De quoi parlez-vous ? Demanda Ophélie, interdite. Deux lueurs vertes s'allumèrent dans l'ombre. Renard écarquillait les yeux. Eh bien, bredouilla-t-il, rapport au fait que, vous savez... À présent que le masque professionnel craquelait, sa voix reprenait un accent nordique à couper au couteau. Je me suis entièrement déshabillé devant mademoiselle. Ophélie se sentit si incrédule et si soulagée à la fois qu'il lui semblait que le gonflement dans sa poitrine venait d'éclater comme un ballon forain. « Et c'est tout ? » s'enroua-t-elle. « Voyons, Reynold, je n'étais moi-même qu'un valet. Comment auriez-vous pu deviner ?»« Je ne change rien au fait que je manquais de respect à mademoiselle. Je l'ai tutoyé, je l'ai traité avec familiarité, je lui ai pris ses sabliers, et par-dessus le marché, j'ai fait ma toilette sous son nez. » Bien sûr, j'ignorais qui était mademoiselle. Je ne l'ai découvert qu'en repassant la gazette. Je l'ai reconnue sur une photographie. La fiancée de monsieur l'intendant, soupira Renard en détachant chaque syllabe. Des valets ont été pendus pour moins que ça. Les applaudissements firent trépider le parquet sous leurs pieds. Le vieil Éric avait terminé son compte. Bientôt, il aurait rangé son projecteur à illusion. Écoutez, Reynold, dit Ophélie en essayant de se faire entendre par-dessus la clameur. Vous êtes celui qui m'a appris les rouages de ce monde et qui m'a protégé des gendarmes quand je n'étais personne. Ce sont les seules choses que je retiens aujourd'hui. Je ne demanderai à aucun autre que vous d'être mon conseiller. Alors, réfléchissez-y une bonne fois. Vous me donnerez votre réponse après mes comptes. Monsieur Farouk attend que j'entre en scène. Quand les veilleuses à gaz se rallumèrent à l'intérieur des coulisses, Ophélie s'aperçut que Renard était stupéfait. « Le Seigneur immortel ? Il est ici ? » ?»« C'est à lui que je raconte mes histoires animistes. Restez dans les coulisses, » chuchota Ophélie avant de se faufiler entre les rideaux de théâtre. « Je vous expliquerai tout après. » Ce fut quand elle s'avança sur scène, éblouie par les feux de la rampe, sous les applaudissements forcés du public, qu'Ophélie eut une prise de conscience inconfortable. Elle n'avait pas la plus petite idée de ce qu'elle allait raconter à Farouk.